Chapitre 31. Les salons de la princesse Vassilissa s'ouvraient à l'heure même où Gilbert entrait dans la capitale de la Géorgie. Au moment où les danses allaient commencer, on annonça à M. le comte Gilbert de Lanta. La princesse rougit de plaisir et lui présenta la main. « Exact comme le printemps, » dit-elle avec un enjouement qui servait de masque à son émotion. « Mieux que cela, madame, » répliqua M. de Bléré, « exact comme un gentilhomme. » Quelques officiers, apprenant que M. de Lanta arrivait du quartier général, l'entourèrent bientôt. Chacun voulait savoir comment et par quel prodige d'adresse et d'audace il avait pu franchir le cercle de l'insurrection. Gilbert l'a mis au fait de l'aventure en quelques mots. « Une bonne fée vous protégeait, » dit l'un des auditeurs. « Une bonne fée ou le diable ?» répondit gaiement Gilbert. « Voulez-vous prendre ma main ?» dit la princesse en souriant. « Voici que le signal de la première balle s'est donné. » Ce récit d'une folie qu'on avait faite pour elle, ses combats, ses rencontres, ses longues marches dans la nuit, et peut-être aussi la mine fière de ce jeune homme qui s'était exposé à 1000 morts pour tenir une promesse faite en riant, tout contribuait à faire sortir la princesse de son ironie accoutumée. Au bras de Gilbert, elle rougissait et pâlissait tour à tour. Le bruit de cette aventure s'était répandu de proche en proche, et chacun en regardait le héros. La valse se finissait. La princesse fit un signe à l'orchestre qui continua. Ses artères battaient à coups pressés. Elle s'arrêta cependant. « Encore un jour, » dit-elle d'une voix émue et avec un demi-sourire, « et si cela continue, je sens que je vais vous aimer. » « Ne vous hâtez pas, » répondit Gilbert. « Moi, je sens que je ne vous aimerai bientôt plus. »« Ah !» fit la princesse qui le regarda. Ses yeux verts dardaient des flammes, mais Gilbert continuant, et d'un air tranquille. « On ne pardonne pas aisément à une personne qui vous a fait connaître ce vilain sentiment qu'on appelle la peur. »« Peur ? Et qui est-ce qui a peur, s'il vous plaît ?»« Il y a moi, » comme disait le philosophe Martin en son temps. « Or, ce sentiment, cette sensation, si vous voulez, » s'est glissé dans mon cœur quand j'ai vu tomber M. de Bléré. Il s'est fait une déchirure en moi par où l'amour s'est écoulé. » D'une main nerveuse, la princesse ouvrait et fermait son éventail. Elle pensa tout à coup que c'était une vengeance et, gardant le bras de Gilbert, « Poursuivez, je vous écoute. »« Oh, madame, » reprit M. de Lanta sur le ton du badinage, « je me rends justice. Vous avez placé votre amour à des hauteurs où je ne saurais atteindre. Fussiez-vous belle comme cette Andromède, pour laquelle un chevalier de l'Antiquité combattait des monstres, ou pareil à ces princesses des contes de fées, dont les lèvres, quand elles s'ouvraient, laissaient tomber des perles. Je ne me sens pas le courage de risquer chaque jour la vie de 5 ou 6 personnes pour obtenir un regard de vous. « Est-ce un adieu ?» demanda la princesse qui le regarda coquettement. « Je crois que oui. Au revoir. » « Il est clair, pensait-elle en s'esquivant, qu'il reviendra demain, si même cette nuit je ne le découvre pas sous mon balcon. » Combien qui sont partis désespérés et furieux, et que le lendemain j'ai retrouvé humble, repentant sur mon chemin. Malheureusement, la princesse, qui avait des complaisances infinies pour sa propre personne, raisonnait d'après le sentiment de douce partialité que lui inspirait sa beauté. De l'âme de Gilbert, elle n'avait vu que le côté blanc, le côté de l'attraction. Le côté noir, le côté de la répulsion, lui échappait entièrement. Il se trouva justement qu'en ces circonstances décisives, il fut le plus fort. Il voyait toujours en imagination M. de Bléré roulant au pied du talus, et il ne pardonnait pas à la princesse d'avoir exposé un galant homme à la mort pour le mince plaisir de satisfaire un caprice. Toutes les menues coquetteries qu'elle lui adressait s'émoussaient à présent contre une cuirasse forgée par la colère et le ressentiment. Une pâleur subite, un cri, un élan spontané, un mouvement de repentir, eussent fondu cette glace. Cet élan, ce cri, la princesse ne les eut pas. Il a bien fallu, au bout de 3 ou 4 jours, et quelle que fût sa bonne volonté, que les yeux de la princesse ouvrissent à l'évidence. Gilbert ne l'aimait plus, ou ne paraissait plus l'aimer, et c'était presque la même chose. Elle remarqua en outre, avec étonnement, avec irritation surtout, que Gilbert n'évitait pas sa présence. Elle le voyait aux mêmes heures, il l'accompagnait dans ses promenades, et lui parlait avec une aisance qui témoignait d'une grande liberté d'esprit. Les yeux verts de la princesse n'avaient plus d'étincelle pour allumer l'incendie dans ce cœur rebelle. Aucun manège qui pût en entamer l'écorce. Mais il n'était pas d'un caractère à céder, et s'obstinait dans un duel où, pour la première fois, elle était vaincue. Sur ces entrefaites, elle apprit que Gilbert, profitant du départ de la princesse B, qui rejoignait le gouverneur sous la protection d'une escorte, s'apprêtait à quitter Tiflis avec M. de Bléré. Elle lui demanda si c'était vrai. « Parfaitement vrai, » répondit-il, alors dissimulant son dépit. « Au moins viendrez-vous souper avec moi. Nous boirons à la santé de votre voyage. » Gilbert accepta. Jamais la princesse ne se montra plus parée de grâce et de séduction. Elle était tout en blanc, les épaules et ses beaux bras nus, avec une seule rose dans les cheveux. Elle voulut qu'il fût assis auprès d'elle. Dans la soirée, elle l'entraîna sous les ombrages d'un jardin doucement éclairé. Elle tenait à la main une rose pareille à celle qui s'épanouissait sur sa tête, la lui présentant après l'avoir approchée de ses lèvres. « Gardez cette fleur en souvenir de moi, » dit-elle. Gilbert prit la rose et la main qui la tenait. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle sentit que sa main tremblait. « Un jour vous me la rapporterez, » reprit-elle. Et d'une voix plus douce, penchée vers lui, elle ajouta « Faites que ce jour s'appelle demain. » Gilbert se redressa et jetant la rose dans une fontaine dont les eaux frissonnantes écumaient à leurs pieds. « Ni demain, ni jamais » s'écria-t-il. « 10 hommes sont morts à cause de vous. Rien ne fera que je puisse l'oublier. Entre nous, tout est dit. » La princesse devint blanche comme une statue et retirant sa main glacée. « Ah, nous nous reverrons, je vous le jure » dit-elle. Arrivé à ce point de son récit, Gilbert soupira. « Ce fut son dernier mot, » reprit-il. « Enfin, la princesse venait de disparaître. Je ne l'ai plus rencontrée. » Monsieur de Bléré, qui l'écoutait, les yeux tournés du côté du ciel où passaient dans la nuit claire des bandes d'oiseaux sauvages, hocha la tête. « J'ai vu la princesse Vasilissa rentrer dans son palais, » dit-il. « Telle devait être l'implacable Junon quand elle traversait le conseil des dieux. Quelle pâleur sur ses joues! Il m'a semblé alors que notre ami Gilbert avait été un peu loin. « Ah, dit Gilbert, si je n'avais tout rompu par un mot plus dur que le marbre et plus sec que l'acier, j'étais vaincu. » Il s'est tu, et je le serrai dans mes bras. Un certain accent ému me fait croire que le cœur saigne un peu, mais c'est un sacrifice qu'il fait à ce sentiment de délicatesse intérieure auquel les natures droites ne résistent pas. Qui a vu mes jeunes gens sur les boulevards de Paris et qui les rencontrerait aujourd'hui ne les reconnaîtrait pas. Cette vie les a transformés. Ils sont brisés à toutes les fatigues. Ils portent sur le visage le hâle de la santé. Leur regard a une fermeté tranquille, leur jeunesse plus de force, plus de virilité. Ils obéissent et l'émotion a moins de prise sur leur nerf endurci. Viennent de nouveaux orages et sont prêts à en supporter les assauts. Dans l'armée, on les aime et on les estime. À leur courage, qui a eu maintes occasions d'être éprouvé, ils ont ajouté l'appoint inestimable du sang-froid. Ils entendent discuter autour d'eux, et par des hommes rompus au maniement des hommes, des affaires où la politique, l'administration, la guerre, la diplomatie ont leur part. Les secrets du gouvernement leur apparaissent. Ils assistent à un spectacle qui a sa grandeur, le spectacle de la civilisation pénétrant comme un coin, dont la barbarie est le pliant à son joug. C'est l'Europe qui pèse sur l'Asie et entame par un côté l'empire gigantesque de Mahomet. Leur intelligence profitera de ce contact de deux races mises en présence par la guerre et dont la lutte développe tout ce qu'il y a dans l'âme de patience, d'énergie, de courage, de dévouement. Mais surtout, ils s'habituent à vivre dans le voisinage de la mort. Un de ces hasards que fait naître le jeu des batailles a failli emporter d'un seul coup et comme une tempête balaye un champ de blé, le prince B, sa femme, une élite d'officiers jeunes et braves, M. de Bléré, Henri, Gilbert et moi. Une partie de chasse, qui cachait le secret d'une négociation, nous avait réunis dans une vallée où pas un coup de fusil n'avait retenti depuis longtemps. Tout alentour, le pays était tranquille, aux environs, pas un cavalier. Au milieu de la nuit, la veille même du jour fixé pour notre départ, 1000 cris terribles et les détonations de 100 fusils nous réveillent en sursaut. 10 bandes circassiens à cheval envahissent notre campement. La mêlée est furieuse, la flamme dévore les tentes. On combat à demi nu. On voit passer des fantômes qui hurlent et bondissent au travers de l'incendie. Il ne s'agit plus que de bien mourir. Mais au moment où tout semblait perdu, un régiment de Cosaques, qui faisait une marche de nuit, accourt au bruit de la fusillade et tombe sur les montagnards. Leur victoire se change en déroute. Leur torrent s'écoule comme une eau qui s'enfuit. Çà et là, quelques cadavres embarrassent le sol. Les blessés se traînent en gémissant. Au loin, dans la nuit transparente, retentit le galop des fugitifs. Tout à coup, une femme éperdue, folle, les cheveux épars, l'épaule en sang, se dresse devant nous et l'œil hagard, le bras tendu, pleure, sanglote et crie. « Là, là » dit-elle, « il était là !» Elle court, elle tord ses mains, elle arrache ses cheveux. Henri la suit, il s'informe. Il apprend que cette malheureuse a perdu son enfant, une petite fille de 5 ou 6 ans. Passe un aide de camp. « Ah, c'est Liska, la femme de chambre de la princesse B. Laissez » dit-il. Mais Henri ne la perd pas de vue. On lui dit alors qu'un circassien a été vu en portant sur la croupe de son cheval une fille qui se débattait. Un cosaque lui indique du bout de sa lance la direction que le ravisseur a suivie. La mère qui a tout entendu se colle aux jambes d'Henri. « Ah, monsieur » dit-elle, et de nouveaux sanglots lui coupent la parole. Un officier qui s'étonne naïvement de l'intérêt que porte mon fils à une esclave veut bien, par un mouvement chevaleresque, lui confier 20 hommes de son escadron. Henri part ventre à terre, conduit par le cosaque. La nuit est claire et leur permet de suivre à la piste les circassiens. Quelques-uns d'entre eux, moins bien montés que leurs camarades, sont atteints. On les interroge. Henri est sur la bonne voie. Le cheval du montagnard est blessé. Il perd du sang. Il ne pourra courir ni bien vite ni bien longtemps. Les hommes de l'escorte s'éparpillent dans toutes les directions, fouillant les maquis, mais à portée de se venir en aide à la moindre alerte. Enfin, un homme est aperçu dans un vallon, portant à travers de la selle un enfant que le galop du cheval secoue comme une masse inerte. On crie, on se précipite, Henri est le premier, le sabre au poing. Le ravisseur veut s'élancer plus avant, mais il perd du terrain. On l'interpelle et on lui jure, par ordre de mon fils, qu'il aura la vie sauve s'il abandonne sa captive. Autour de lui, point d'issue. Derrière lui, une troupe de cavaliers altérée comme une meute. Il se décide et l'enfant glisse à terre. Bientôt on est auprès d'elle, on la relève et quelques gouttes d'eau fraîche répandues sur son visage lui rendent le sentiment. Elle s'effraie d'abord, puis on la rassure et la troupe reprend le chemin du camp. La mère attendait, muette, haletante, et pareille à une louve qui tourne dans sa cage. Elle grimpait sur les tertres, puis s'agenouillait et se frappait la poitrine. On avait des larmes dans les yeux, rien qu'à la voir. Tout à coup, elle pousse un cri, bondit et court à travers les ronces. Elle a vu sa fille au loin, comme l'oiseau de proie l'alouette dans le sillon. Elle arrive, l'arrache au bras qui la tienne et l'embrasse. Ah, quel baiser! Toute son âme y était. Pas un mot d'abord, des spasmes, des sanglots. Puis, se ravisant, elle se précipite vers Henri et enveloppe ses genoux de ses deux bras. Un moment après, elle disparaissait, emportant sa fille. Henri vide sa bourse entre les mains des cosaques. Le prince B, qui passait l'inspection et comptait ses morts, lui frappe familièrement sur l'épaule. « Vous pouviez vous faire tuer comme un lièvre ?» lui dit-il. « Bon, répond mon fils, il y a des circonstances où l'on ne meurt pas. » Je pense à Philibert et je suis content. « Vous ai-je dit que la princesse Vasilissa était mêlée à cette aventure ?»« Mêlée n'est point assez, elle l'a dénouée. » Les choses se passent un peu dans ces pays lointains comme dans les romans de chevalerie. Un montagnard à qui elle avait rendu service dans une occasion critique et qui savait quel intérêt elle portait à M. de Lanta l'avertit secrètement de ce qui se tramait. Il n'était plus temps de prévenir le prince B. Une idée téméraire traversa l'esprit de la comtesse. Courir vers la montagne, joindre un régiment qui était en marche et dont elle connaissait le colonel, lui faire changer de direction et l'entraîner au secours du prince, tel était son projet. Mais pour qu'il réussît, elle ne voulut en confier l'exécution qu'à elle-même. Et 10 minutes après avoir reçu l'avertissement, elle était à cheval et au bout d'une course effrénée, elle atteignait les escadrons cosaques. Sa véhémence, son langage, son trouble déterminèrent le colonel à passer outre aux ordres qu'il avait reçus. Il suivit la princesse. Qu'un parti de circassiens se fût trouvé sur son passage tandis qu'elle galopait en compagnie de 2 domestiques, elle était perdue. « Ah, il verra !» répétait-elle entre ses dents, et des frissons lui passaient dans le dos. Quand elle entendit les coups de feu et bientôt après les clameurs des montagnards, elle devint comme folle. Elle entra l'une des premières dans le camp. On sait le reste. Quand la troupe des assaillants eut disparu comme une volée de corbeaux, la princesse Vasilissa fut rencontrée par Gilbert, qui marchait l'œil en feu, le sabre nu à la main. Une indiscrétion l'avait mis au fait de l'aventure. « Vous ? C'est vous ? Dit-il. Et pour qui ? Pour vous. Rien que pour vous ! Répondit-elle hardiment. Gilbert changea de visage. Il voulut prendre sa main. La princesse se redressa et la retirant. « Ah ! J'ai eu trop peur à mon tour. s'écria-t-elle, et tandis qu'il la regardait. « Croyez-vous que nous soyons quittes ? » ajouta-t-elle fièrement. Quelle flamme dans ses yeux verts en ce moment ! Gilbert pâlit et s'inclinant. « Adieu donc, madame, » dit-il. « Adieu, » répéta-t-elle. Pendant une minute, peut-être, ils s'étaient aimés sincèrement. L'orgueil les sépara. Gilbert quitta la place lentement. Cet homme, qui venait de se battre avec la fougue d'un fils de Brennus, avait le visage d'un mort. La princesse Vasilissa s'éloigna dans la journée. Nous la vîmes passer droite sur la selle, le voile flottant sur ses épaules, un fin sourire sur les lèvres. Elle avait quelque chose d'une déesse. Lorsqu'elle put croire qu'on ne la voyait plus, elle ramena le voile sur son visage et sa taille se courba tout à coup comme la branche d'un saule frappée par le vent. Elle fit encore un pas et on ne l'aperçut plus. « On vient de nous ramener monsieur de Lorgeril blessé à mort. Une balle s'était enfoncée dans sa poitrine. Une autre lui a cassé l'épaule. Il souffre horriblement, mais il met de la coquetterie à ne pas le laisser boire. Le pauvre garçon a été ramassé au travers d'un sentier par nos batteurs d'estrade. Il avait été rencontré dans la matinée par un chef circassien auprès de qui il avait combattu au début de la campagne. Ce chef pensa qu'il s'était échappé de nos mains et lui proposa de le suivre. Monsieur de Lorgeril s'en défendit et lui raconta ce qui s'était passé entre lui et le prince B. À présent, il s'éloignait du pays et se promettait de n'y plus rentrer. Le chef fronça le sourcil. « Si tu ne viens pas comme guerrier, dit-il, tu me suivras comme prisonnier. » Deux ou trois hommes se mirent aux côtés de monsieur de Lorgeril et on fit quelques lieues. Une colonne russe se présenta au bout d'une vallée. Un engagement paraissait inévitable. « Voilà des armes. Veux-tu combattre ?» reprit le circassien. « Non, » répondit monsieur de Lorgeril. Brusquement, le chef tira de sa ceinture un pistolet et fit feu. Deux ou trois de ses compagnons l'imitèrent, le prisonnier roula par terre et la troupe partit au galop. Le blessé eut quelque peine à terminer ce récit. Il sait comme nous qu'il n'a plus qu'un petit nombre d'heures à vivre. Une certaine joie anime ses yeux. « Je quitte le monde, ce me semble mieux que je n'y suis entré, » m'a-t-il dit. Il a redemandé à mon fils la lettre dont il l'avait chargée pour madame de la Morlaix et a voulu y ajouter quelques lignes. Sa main ne lui obéissait pas sans de grands efforts qui lui faisaient venir la sueur sur le front. Il a paru réfléchir un instant, puis, serrant la main d'Henri, « Vous reverrez Léopoldine, n'est-ce pas » a-t-il dit. Henri lui a fait un signe de la tête. « Eh bien, vous lui parlerez de moi. » Son front s'est affaissé sur l'oreiller et il n'a plus remué. À l'entrée de la nuit, il a subitement repoussé le drap qui le couvrait et prononcé quelques paroles incohérentes, puis appuyant ses deux mains sur les épaules d'Henri. « Léopoldine, Léopoldine » a-t-il dit, et il est retombé de tout son poids. Henri s'est penché vers moi. « C'est la mort même qui parle » a-t-il ajouté. Toujours la même idée, toujours la même préoccupation. Un moment après, M. de Lorgeril n'existait plus. La mort de ce pauvre jeune homme nous a tous jetés dans une tristesse qui ne s'est pas dissipée de plusieurs jours. Elle emprunte aux circonstances au milieu desquelles elle s'est produite un degré de gravité particulière qui nous enveloppe et ne peut se dissiper. Hier, il était plein de jeunesse et de vie. Aujourd'hui, ce n'est plus que ce quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue. Une parole divine, et combien de fois ne l'a-t-on pas commentée, a dit « Il y aura plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour dix justes qui persévèrent. » J'ai compris, en face de ce trépas, la profonde vérité philosophique et religieuse de cette parole fameuse. Monsieur de Lorgeril l'avait mal vécu, dans le sens mondain du mot. Des dettes, des folies, des escapades, rien de rassis et de sérieux dans le passé. Voilà son bagage. Ce n'était pas matière à long regret. Il ne fallut pour changer tout cela que quelques jours épurés par une résolution honnête et une fin vaillante où éclate l'honneur du soldat. Monsieur de Lorgeril était le martyr de sa faute, et par là, en un seul moment, il a tout racheté et fait que le deuil est entré dans nos cœurs. Combien qui sont morts la veille et auxquels on ne pensait plus le lendemain et dont l'existence droite avait été exempte d'erreur. Il y a près d'un an que nous avons quitté Paris. Les résultats que je poursuivais, il me semble que je les ai obtenus. Un plus long séjour dans le Caucase serait sans profit pour personne. La guerre n'a plus d'épreuves à faire subir à nos enfants. Et puis voilà M. de Bléré qui pense aux bécasses de son pays. Il lui tarde de chasser dans les genêts paternels. Il nous faut prendre congé du prince B. Je retournerai en France avec cette conviction d'y ramener deux cœurs aguerris. Dieu fera le reste.